C'était une nuit de mai. Nous étions assis sous le tilleul. En mesure en fidélité. Et c'était des serments. Et encore des serments. Serments, ces magnifiques serments.